C'est quoi cette engambée, Belloni? Tu respectes pas? Hein? Toi, l'Algérino, le mec au million de tubes? Ah, excuse-moi, au milliard de tubes! Je t'explique. Taxi, c'est marqué en gros. Te casse pas la tête, Belloni. Ça les gars? Bon, on va pas passer par 4 chemins les égalades. Pareil que vous faites taxi 5? Ouais. Y a pas de taxi 5 si je fais pas la BO. DJ Corps, pas DJ Corps. Tu as compris? J'ai compris, mais on fait pas de rock'n'roll, Elvis, excuse-nous. C'est pas vrai, t'as compris, Elvis, mais c'est pas vrai. La banane, c'est autour de la taille, hein, normalement. Bon, t'as quelque chose à nous proposer? Bengus, clavier, s'il te plaît. Putain, ispirato! Oh, ça fait toi, Mino! Excuse-moi, Belloni. Allez, joue-moi 2-3 notes de qualité, s'il te plaît. Voilà. Pas mal. Pas mal. Pas mal, hein? C'est bien ça. C'est qui les méchants dans Taxi 5? C'est les Italiens. 2-3 mots en italien, s'il te plaît. Mozzarella, panna cotta, va bene, ma bella. Quoi? Tutti. Avant, t'as dit quoi? Tel Piero? Non. Ah, va bene, ma bella? Ouais. Va bene, ma bella! Pas mal ça. Ah ouais? Tu connais ce truc? Vas-y, fais ça. Moi, je parle pas italien. La la la la. C'est pas mieux. Va bene, ma bella! La la la la. Voilà. Je trouve ça bien, moi, mais. Il manque un truc. Si tu veux que ça cartonne vraiment, il manque un petit truc. Un peu d'autotune dans ta gorge. Vas-y, refais. Va bene, ma bella! La la la la! Voilà, là c'est bon! Là oui! Là où c'est le prix! Là où on est des mots! Là où on est des sons! Alerte générale! Taxi 5! De l'Algérie, DJ Corp! J'ai grandi dans le plan, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Mardi, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, m'en avais devant la vie. Tu veux la marée, mais faut les billets. T'as goût d'éganté, j'ai tous les faire chanter. La la la, oui je vis. C'est fait en double film, j'fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui. Va venez ma bella, tu as marché dans ma favela. Va venez ma bella, j'en fais danser la macarena. La vie la difficile, tu viens d'être ravi. J'suis calé dans le club, mon poste me finit. Et vas-y, lâche une blonde, la soirée go par nous. Ah ouais, ah ouais. Tout ce qui est en hélico, Marseille c'est cramé, c'est chaud. Y'a des condés dans l'allée, les petits chez moi les font cavaler. Lamborghini Gallardo, j'vois une petite Mantaro. Ah tu m'as vu à la télé. J'anniversaire papier, tu me reconnais ma série. J'suis dans mon bolide, ça bombarde sur la route, le soleil est torride. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille c'est la folie. Ah ouais, ah ouais. Va venez ma bella, tu as marché dans ma favela. Va venez ma bella, j'en fais danser la macarena. Ma vie pleine de manie, la vie la difficile, tu viens d'être ravi. J'suis calé dans le club, mon pote me finit. Je suis posé seul en terrasse. Le coup qui lève le témoin. Crois que je vais finir en terrasse. Tu rends fou le compte de ta race. HLM au bord de la mer. Je suis en buvette, j'accélère. Qu'est-ce que tu veux que je dise au minon? Faut tout être du parano. Ma chérie, je suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil est torride. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille, c'est la folie. Ah ouais, ah ouais. Va venez ma bella, la, la, la, tu as marché dans ma favela. La, la, la, va venez ma bella, la, la, la, tu as fait danser la macarena. Mais le temps de manie, la vie la difficile, tu m'aimes de ta vie. J'suis calé dans le club, mon pote me finit. Oh, and I went.